Patrick Desautels, qui est-il? C'est qui Patrick Desautels? C'est le père des trois enfants qui ont été assassinés par son ex-conjointe Sonia Blanchette, qui elle-même est morte récemment. Morte de faim. À la suite d'une grève de la faim. Oui, c'est ça, lui Patrick Desautels. Exact. Qui est dans la région là, de l'Estrie, dans ce coin-là, hein, je pense. Oui, Victoriaville, Drummondville. Victoriaville, c'est ça. Il habite à Grimby maintenant. En fait, on vous en parle parce que hier, le père a fait une sortie. Il blâme le système judiciaire. En fait, pour vous mettre un peu dans le contexte, là, son ex-femme, Sonia Blanchette, voyait ses enfants, mais elle devait être supervisée. Alors, On savait qu'elle avait déjà des problèmes de santé mentale. Exact, c'est ça. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait la visite de sa mère. Et à un moment donné, c'est en l'absence de sa mère qu'elle a procédé au meurtre de ses trois enfants. Et là, aujourd'hui, le père blâme le système judiciaire en disant « On aurait dû informer ma belle-mère de ses obligations, lui faire signer un papier d'engagement à l'effet qu'elle allait toujours superviser, toujours accompagner mon ex-femme, en l'occurrence Sonia Blanchette. » Et aujourd'hui, le père blâme le système judiciaire. Il va même jusqu'à dire « Est-ce qu'on aurait pu éviter le meurtre de mes trois enfants si la supervision aurait été faite de façon correcte? » Mais c'est sûr que si la mère avait été là, la belle-mère, en fait, probablement que les enfants seraient encore en vie aujourd'hui, ça, c'est clair. Mais la question est plus, je veux dire, est-ce que la belle-mère le savait? Est-ce qu'elle connaissait l'état de santé mentale de sa fille? Est-ce que ça y avait été expliqué de ses responsabilités puis ce à quoi elle s'exposait si elle ne respectait pas l'obligation d'accompagner sa fille tout le temps, de ne pas la laisser sans surveillance? Peut-être qu'effectivement, on aurait pu expliquer mieux, puis si on l'avait fait signer, ça aurait peut-être fait réfléchir deux fois la belle-mère avant qu'elle se sauve, elle quitte, puis qu'elle laisse sa fille toute seule avec les trois enfants. Parce que le père, aujourd'hui, dit en plus on devrait former les personnes qui assument des fonctions de superviseur en pareille circonstance. Et avec on se fait signer le papier pour être sûr que non seulement elle soit responsable, mais qu'elle soit consciente ou conscient de leur responsabilité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'il y a des failles dans notre système judiciaire? Est-ce que vous pensez que dans le dossier de Sonia Blanchette, est-ce qu'on aurait pu éviter le drame si on avait bien expliqué à la belle-mère ou à la mère de Sonia Blanchette ses responsabilités à titre de superviseur? Pour en parler, pour en jaser avec nous, vous pouvez nous appeler au 670-9330 ou encore nous écrire au studio@fm93.com. Moi, Eric, je t'avoue que Ton premier réflexe quand tu vois ça, quand tu lis ça matin en ouvrant le Journal de Québec, tu vois le père blâme le système judiciaire. Comment tu réagis? Là, je me suis dit, c'est tellement facile de blâmer le système judiciaire. Parce que je trouve que de plus en plus, on utilise des boucs émissaires pour se déresponsabiliser. Et j'ai beaucoup de difficultés avec ça personnellement. C'était mon premier réflexe. Lorsque j'ai commencé à lire l'article, je me suis dit « Ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans la loi. » Moi, il y a des auditeurs qui appellent ici à tous les jours. Là, vous êtes nombreux d'ailleurs à le faire, puis on apprécie énormément. Vous nous écrivez, on lit en passant tous vos courriels. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui questionnent l'impartialité du système judiciaire. Rappelle-toi, cette semaine, dans l'affaire Claude Dubois, beaucoup de gens nous ont dit « Ben, il y a deux systèmes de justice au Québec. » Cette semaine, ça a été une semaine très difficile, le système judiciaire. Oui. Là, on a vu l'affaire de Gabriel Nadeau-Dubois. On en a parlé amplement hier. Il y a eu effectivement Claude Dubois qui est arrivé. Rappelle-toi aussi de Rambo Gauthier qui voulait faire une pétition, pétition pour empêcher d'avoir sa condamnation malgré le fait qu'il a été reconnu criminellement coupable. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions. On blâme le système judiciaire, mais je me mets dans la peau du père qui a perdu ses trois enfants, sa femme avait le droit de voir les enfants seulement sous supervision. Lui a fait confiance au système judiciaire. Il a fait confiance à sa belle-mère qu'elle allait surveiller sa fille. Et là, il arrive, puis il voit qu'elle a laissé... Sa belle-mère a laissé Sonia Blanchette seule avec ses trois enfants, puis Sonia Blanchette a commis ce qu'on avait peur qu'il arrive, c'est-à-dire qu'elle les a tués les trois. Mais est-ce que moi, je peux pas comprendre ce gars-là de dire ce qu'il dit à matin dans le journal. Non, on s'entend là-dessus. Je suis 100% d'accord qu'il doit vivre l'horreur, l'enfer de ce temps-là. Là-dessus, on s'entend là à plus qu'à 100%. Vivre l'horreur, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a une résilience extraordinaire, M. Desautels. Comment tu fais pour survivre un pareil drame sur le plan familial? Mais je me dis, est-ce qu'on aurait pu, dans le fond, tu sais, si elle avait l'intention de les tuer, ses enfants, là? Oui. Supervision ou pas, là, elle aurait trouvé un moyen à un moment donné. Là, c'est ce que je me disais. Est-ce qu'effectivement, il y a une faille dans le système judiciaire ou c'est aussi, dans le fond, un peu, comment dire, facile de blâmer quelqu'un d'autre. Tu comprends-tu quelqu'un d'autre étant le système judiciaire? Je me pose d'accord avec toi quand c'est question, comme par exemple le recours collectif à Longueuil. S'il n'y a pas d'eau, ils ne peuvent pas boire l'eau pendant une journée. Le monde intente un recours collectif contre la ville. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile de toujours blâmer le système. C'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute du système. Puis on est toujours en train d'essayer de trouver des failles. Mais dans ce cas-ci précis, là, je pense que le père a raison. Moi, personnellement... Mais moi, je me pose la question, Eric. J'ai pas de réponse. Puis je suis pas avocat, puis peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont la réponse. Est-ce qu'effectivement, il y a une faille? Est-ce qu'on a fait signer... un engagement à la dame, une obligation? Est-ce qu'elle était consciente, la belle-mère, de ses obligations? Enfin, bref... Là, tu mets la table là-dessus. Ça, c'est une question. Puis continue à nous appeler 418-670-9330 ou écrivez-nous studio@fm93. Moi, je me pose une autre question aussi. Je voudrais pousser le débat un peu plus loin. Nathalie, je me demande, la mère, elle est décédée dans sa cellule après une grève de la faim. Elle s'est laissée mourir, carrément. Au Québec, là, on a eu plein d'exemples où on a parlé tout à l'heure de mourir dans la dignité. On a eu un gros débat là-dessus. On a empêché. Il y a même des gens qui sont allés en prison parce qu'ils ont assisté des gens qui voulaient mettre fin à leur jour parce qu'il y avait des maladies dégénératives. On a eu un sénateur à Ottawa, Pierre-Hugues Boisvenu, pour ne pas le nommer, qui a dit qu'on devrait laisser une corde dans la cellule des prisonniers pour ceux et celles qui devraient se faire justice eux-mêmes. Il a été décrié, il a été obligé de s'excuser. Oui. Ça a été l'horreur. Là, la fille, elle décide, je m'excuse, mais c'est un suicide lent là, quand tu choisis de ne plus manger et de faire une grève de la faim. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas mis par intraveineuse? Comment ça fait qu'on ne l'a pas nourri de force? Moi, je me pose des questions... C'est sûr, moi, personnellement, Nathalie, je suis plutôt favorable à la peine de mort. Fait qu'un criminel, surtout dans son cas, c'est qu'il n'y a pas de doute qu'il a tué 3 enfants. Pour moi, qu'elle meurt, je me suis pas mis à pleurer en lisant ça, là. Je peux te dire ça tout de suite. Ah non, il n'y a personne qui s'est mis à pleurer, Eric. Mais, en même temps, je me suis dit, quelle contradiction, quelle hypocrisie, dans le fond, en tant que société, que d'un côté, on est contre la peine de mort, on est contre les gens qui veulent mettre fin à leur jour prématurément, mais d'un autre côté, la fille peut se laisser mourir par une grève de la faim. Je vois une contradiction là-dedans. Voyez-vous une, vous autres? Voyez-vous quelque chose qui... Moi, ça me semble que ça cloche. Ça me rentre pas dans la tête qu'on l'ait laissé... Toi, tu dis, dans le fond, arrêtons d'être hypocrite, là. C'est comme... on l'a laissé mourir littéralement parce qu'on lui a pas prêté assistance, là. On va dire ça comme ça. Elle est morte dans sa cellule, morte de faim. Fait que toi, tu dis... Toi, t'es pour la peine de mort. Moi, je t'annonce que je suis contre la peine de mort. Compte avec en lettres majuscules. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a bien des cas. Quand on a un doute, c'est sûr. Là. Mais cette femme-là qui a tué 3 enfants, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Luca Rocco Magnotta, il s'est filmé en train de décapiter le gars. Je veux dire, il y a des cas où dans ma tête, il y a même... C'est sans revenir-y. Là. Ben, on va en jaser avec Normand Soleil, puis je vais revenir là-dessus parce que j'ai des arguments pour toi. Okay. Alors Normand, bonjour, bon midi. Bonjour Normand. Bonjour à vous deux. Écoutez, moi je suis avocat, je fais du droit familial et de la DPJ. Oui. Et en DPJ, lorsque le tribunal de la jeunesse ordonne des supervisions avec les membres de la famille, souvent les juges vont faire entrer le parent, le grand-parent, et vont tirer les choses au clair avec eux et vont les mettre au fait de leurs obligations et de ce à quoi ils s'engagent à faire. En chambre de la famille, c'est moins clair à ce niveau-là. Si des experts recommandent des visites supervisées puis qu'on s'entend sur une personne, une tierce personne, un parent, on fait pas nécessairement venir le parent dans la salle d'audience pour lui expliquer les tenants et les aboutissants à ce niveau-là. Il y a comme 2 régimes entre les deux à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est une faille? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est une faille? Prenons l'exemple de Sonia peut-être, Blanchette et... Peut-être. Je ne sais pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que la supervision est ordonnée en vertu d'un jugement de la Chambre de la famille ou de la Chambre de la jeunesse? C'est une bonne question. Parce qu'il n'y a pas... Les choses ne se font pas... peuvent se faire de façon différente, comme je vous expliquais. En Chambre de la jeunesse, on va faire rentrer le parent qui s'engage à superviser. On lui dit, là, vous devez faire ça. Et le parent s'engage formellement devant le tribunal. Est-ce qu'on fait signer des documents dans pas ce contexte? Nécessairement. Non? Okay. Pas nécessairement, mais il est consigné dans le procès verbal que le parent a été assermenté, on lui a expliqué les choses. En chambre de la famille, c'est moins clair. Peut-être qu'on va devoir, ça nous conscientise, puis peut-être qu'on va faire de nous-mêmes là, des choses... des choses plus claires là-dedans. Chose certaine, dans mes dossiers, je vais y songer un petit peu plus précisément. Ah, ben c'est intéressant. Normalement, on va creuser cette question-là. Nous, merci beaucoup d'avoir appelé. C'est merci. Très instructif. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, oui, Éric, il faut creuser ça, mais je reviens à la peine de mort. Oui. On a aboli la peine de mort au Canada en 1976. Ça fait pas, là, 100 ans. Non. Il y a eu des débats. Les débats ont commencé dans les années 60. En fait, la dernière condamnation là, pour peine de mort a été faite en 1962. Ça, c'est 6 ans avant ma naissance. Et on a débattu pendant plusieurs décennies au Canada ce qu'il faut ou non abolir la peine de mort. Moi, je comprends la frustration. Écoute, il y a des crimes là absolument odieux qui sont commis dans des circonstances absolument épouvantables. Tu te dis, voyons donc, là, tu sais, des fois, on dit, je le pendrais parler, hein, en bon français, là, pour lui faire payer ce qu'il a fait. Ça, je comprends ça. Mais en même temps, toutes les sociétés, une société aussi démocratique que la nôtre, ne peut pas adhérer à la peine de mort. On a débattu, les Canadiens ont débattu, sont encore partagés là-dessus, mais au Québec, je suis convaincue, Éric, si on faisait un sondage aujourd'hui, la grande majorité des gens seraient en défaveur de la peine de mort. Puis l'autre question qu'on peut se poser dans le cas de Sonia Blanchette en particulier, c'est est-ce qu'elle souffre plus morte ou est-ce qu'elle aurait souffert plus à continuer à pleurer sa peine puis d'avoir tué ses 3 enfants dans le fond d'une cellule? Ça aussi, c'est une question qui se pose parce que moi, mon principe, c'est pas, je suis pas pour ou contre la peine de mort. Moi, je suis pour la restitution. T'as enlevé la vie de quelqu'un, mais tu mérites plus de vivre. Mais tu l'as dit tantôt que t'étais pour la peine de mort. Ben oui, c'est là. Une façon d'être pour la peine de mort, mais c'est pas pour être je suis pas pour la peine de mort pour être pour la peine de mort. Okay. C'est le principe qui est légal pour moi qui est derrière ça. C'est une forme de restitution. Si tu m'as enlevé quelque chose, ben on va t'enlever la même chose à toi aussi. On répond par la loi du talion, là. Ben il me semble que c'est tout à fait logique, là. Mais c'est peut-être logique pour toi, Éric, puis on le fait encore aux États-Unis, évidemment, mais ça doit pas être si logique que ça pour bien des sociétés sur la planète, hein, parce que il y a bien des sociétés qui ont été confrontées à ce genre de questionnement. Le droit à la vie est enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, tu sais, c'est tout ça, dans le fond. C'est vraiment, à chaque fois, Le droit à la vie est enchâssé. Attends une minute, là. Mais dans la Charte des droits et libertés, là. Je veux pas sur l'avortement, là. Mais c'est un débat de société, de valeurs qui se confrontent, Éric. C'est ça, à chaque fois, lorsqu'on a ce genre de dialogue comme mais société. Mais je trouve ça toujours bizarre, tu sais, que le droit à la vie inclut pas le fœtus, mais il inclut le criminel qui a tué 3, 4, 5 personnes. Moi, j'ai bien de la misère. T'sais, on dit c'est enchâssé. C'est parce que là, comment on définit la vie? Là? Quand tu as tué que du monde, là, pour moi, tu n'es plus un être vivant. Tu es vraiment une bébite bizarre. Là. En tout cas, toi, tu crois pas à la réhabilitation? Ah, dans des cas comme ça, non. Puis à la limite, même s'il était réhabilitable, auriez-vous le goût de travailler avec Luca Rocco Magnotta? C'est clair. Aimeriez-vous l'avoir comme voisin? Aimeriez-vous ça, que ça soit un de vos collègues, aimeriez-vous ça que ce soit dans votre famille? Je veux dire, tout le monde va répondre non. Mais c'est là. Sûr. Il n'y a personne sûr. Qui veut ça, c'est des parias. T'as eu un courriel? Oui, j'ai Robert qui m'écrit, il me dit, pour votre dossier de ce matin, la mère, on parle de Sonia Blanchette ici, évidemment, n'aurait jamais dû avoir cette responsabilité. C'est une trop grande responsabilité pour une personne qui est si proche de l'accusé. La mère était beaucoup trop engagée dans cette saga pour avoir cette responsabilité. Oh non, il parle de la mère de Sonia Blanchette. Mère oui, ça, c'est il dit que sa mère aurait jamais dû avoir ça. Et que je trouve ça intéressant. Il dit une personne neutre, intervenant de la DPJ, aurait été beaucoup plus raisonnable dans ce cas. Le grand responsable est le système judiciaire qui est mal fait. Justice à 2 vitesses, les criminels sont plus protégés que les victimes, puis il y a trop de petits bonbons, beaucoup trop. Le gouvernement Harper tente de changer ces choses, il doit y arriver. Mais son commentaire est intéressant. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que est-ce qu'on aurait sous-estimé la gravité de la situation mentale dans laquelle se trouvait Sonia Blanchette? Deuxièmement, est-ce que le lien émotif était trop fort entre Sonia Lebel et sa mère pour assurer effectivement une protection adéquate des enfants? Est-ce que le fait, il nous suggère, par exemple, ça pourrait être quelqu'un de la DPJ, quelqu'un d'indépendant qui n'a pas de lien émotif avec ben c'est trop famille. Facile de mentir à ta mère puis de dire, maman, laisse-moi tranquille 1 heure avec mes enfants, là, j'ai le goût de relaxer. C'est-tu quoi, la pauvre elle a femme? Un lien émotif. Ben imagine sa mère aujourd'hui. Ben mais la pauvre femme qui se fait dire ça par sa fille, là, tu dis, ben oui, elle a l'air correcte, elle a l'air bien, puis ben je vais aller faire une course, je vais aller faire une commission, je vais revenir dans 1 heure. Non, mais la pauvre femme, c'est sûr, Éric, ça doit être épouvantable là, comme drame. Je pense que. C'est, pis, elle doit se sentir coupable. Imaginez-vous, ça n'a pas de sens. La mère de Sonia Blanchette, là. Et elle aussi, elle va payer jusqu'à la fin de ses jours. Là. C'est clair. Mais tu sais, en même temps, c'est En même temps, il faut que tu essaies de trouver un sens à tout ça, parce que sinon, c'est Mais elle a fait une grosse erreur. C'est bien folle. C'est sûr qu'elle a fait une grosse, grosse erreur. Mais elle, dans sa tête, je suis convaincue qu'elle faisait pas d'erreur, Eric. Sur le coup, non, mais aujourd'hui, non. Avec le recul, évidemment. Quoi, On peut pas présumer comment. On peut pas présumer, on peut pas lui mettre des paroles dans la bouche, là, parce que, bon, elle est pas là. On entend beaucoup parler de son ex-conjoint, Patrick Desautels, mais très peu de cette femme-là, mais elle a toute notre compassion, évidemment, dans les circonstances. Ceci étant, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça fait deux commentaires qu'on a de nos auditeurs. Et ça nous permet, tu sais, l'avocat Normand qui vient nous appeler, dit « Moi, je travaille dans un milieu où je vais être plus vigilant à l'avenir. » Mais tu vois, c'est le genre de débat que j'adore parce que ça nous fait avancer comme société. Là, tu sais, cette suggestion qu'on a, comment il s'appelle notre Robert? Robert. Bon, ben Robert qui nous dit un instant, là, peut-être qu'on devrait avoir des superviseurs avec un lien émotif moins important, plus indépendant. Je trouve ça super intéressant. C'est des gros questionnements, puis on n'a pas fini d'en jaser et d'en parler. On a d'autres courriels. On a d'autres courriels qui n'arrêtent pas de rentrer, mais je... Tu vois, on a Élise qui écrit. Alors, Élise nous dit « La supervision devrait être confiée à une personne ayant les compétences pour gérer une telle situation et non impliquée émotivement. » C'est exactement ce que nous dit Robert. « C'était une grande responsabilité pour la grand-maman pas du tout préparée à faire face à un cas aussi lourd. Pour la peine de mort, peut-on appliquer le principe que l'on combat? Respect de la vie. » Alors, dans le fond, en fait, c'est intéressant parce qu'Élise nous écrit sur deux enjeux. Les deux enjeux qu'on a soulevés, effectivement. J'ai Muriel qui m'écrit « J'aimerais ça savoir si la grand-mère était présente sur les lieux quand le père a laissé les enfants chez son ex. » Parce que là, ce qu'elle sous-entend, c'est si lui, il les a laissés à sa femme alors que sa mère n'était pas là, ça veut dire que lui-ci a une part de responsabilité là-dedans. Là. Oui, absolument, tout à fait. Alors, écoute... continue de nous écrire parce que je pense que là, on a quelque chose pour faire avancer le débat, sincèrement. Puis nous, on va continuer de creuser la question sur le plan juridique.